Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence, on a grandi dedans. Avec ou sans la France, on ira de l'avant. Nous, la différence, on a grandi dedans. Avec ou sans la France, on ira de l'avant. Au rez-de-chaussée, la famille José. Madre mia. Dites surtout pas aux pères qu'ils sont français. Au premier, Pierrot, famille juive polonaise. Une grand-mère a tout cassé la molaire si elle monte la mayonnaise. Au deuxième, Assel, un gars à Galsen. Son père, syndicaliste. Faut vraiment y aller les jeunes. Au troisième, des berbères de Benis Nassen. Au quatre, des schlucks de sous. Des vrais businessmen. Y'a des blonds, des châtains, des bruns, des rouquins. Des cheveux lisses, des crépus et des cheveux comme du crin. Y'a des noirs, y'a des jaunes, y'a des blancs, des marrons. Des foncés et des clairs. Qui deviennent verts. Nos enfants sont vivants, tendus comme l'échec scolaire. Et vu qu'on est perdant, on a le moral des combattants. Nous, la vérité, c'est même pas qu'on se tolère. Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence. Livreur d'origine malienne, écoute du rap à stouf et rêve de Porsche Cayenne. Au 6, Rachida, de famille algérienne, elle digère pas ses tifs et sa vie de galérienne. Au 7, y'a la famille Jean-Jean, des rouquins type flamand, des sables à délingue depuis l'âge de 10 ans. Au 8, un étudiant en Corse qui sort de nulle part, bonjour, qui aide les gamins à faire leurs devoirs. Ici, ça se chahute, se dispute pour des questions de répute. Une identité nationale pour nous, c'est de la turlute. Nao, une tablette, ici les gens luttent. Les assos se battent quand l'état joue sa langue de pute. Y'a ceux qui vont en vacances pour apprendre la culture des autres. Nous on se barre au bled pour se réapproprier la nôtre. Y'a ceux qui ont besoin d'aller loin pour comprendre les gens. Nous, pas besoin, la différence, on a grandi dedans. Nous la différence. Y'a Vanak, famille vietnamienne. Sa mère cuisine halal pour tout le monde mange chez Nem. Au dixième, y'a un squat de tanches, de roumains, aidé par ceux du onzième italien capverdien. Au douzième, y'a Rachid, le Tunzi. Y est ouf, son rêve, dans son T3 installé un jacuzzi. Ici on fait tous partie du même milieu. Tous dans la merde, donc on fait ce qu'on peut. On peut parler, raconter tout ce qu'on veut. Tous dans la merde, on fait comme on peut. Nous, on blablate pas sur la tolérance. Nous, on la vit au quotidien, nous c'est notre France. Bienvenue chez les pauvres et bienvenue chez les fous. Le seul endroit en France où les gens viennent de partout. Alors que chez les riches, ils rêvent de rester entre blancs. Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence. On a grandi dedans. Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence, on a grandi dedans. Nous, la différence, on a grandi dedans.